La lune sans nom, j'avance à tâtons, chaque dune cache un secret, un nom. Le vent m'appelle, les ombres me suivent, mais je porte en moi le chant qui ravive. Rêves qu'il murmure l'écho des falaises, ton pas dérange le sommeil des braises. Tu construis dans le silence une armée de feu, une présence. Rêves qu'il the silence, writer skill stands in defiance. When the sand speaks, he listens. When the world breaks, he glistens. Des vestiges oubliés, entendu les pierres pleurer. Chaque stream est un feu sacré, allumé par vous jamais soufflé. Vous m'avez donné une voix dans le néant, un nom dans le sable mouvant. Rider Skill vit par vos regards, et chaque live est un départ. Voix murmurée. Les anciens regardent. Les voix s'unissent. Chaque viewer éclaire la piste. Rider Skill n'est pas seul dans le vide. In the silence, Rider Skill. Jamais il devient les gens.